pour moi, un à un. Chaque grain de blé que t'auras amassé après avoir bluffé plus de 100 000. J'suis ton créancier, j'suis pas là pour plaisanter. La note est tombée et tu dois la régler. À longueur de journée, j'passerai ma vie à te harceler. Chanel, Gucci, Versace m'ont épuisé. Sur l'avenue Montaigne, j'userai mes semelles. Choisis-moi une demeure dans laquelle j'n'aurai pas peur. Avenue Foch, quel que soit le numéro du Porsche. Derrière la porte, les mêmes décors. Arrête de dissimuler tous les plaisirs que j'voudrais saisir. Je l'ai durement gagné, le droit de me reposer. Ouais.